C'est là qu'Aurobindo avait raison quand il parlait de son fameux yoga intégral. Il disait, dans le yoga intégral, il faut que ça s'ouvre par en haut. Il faut que ça s'ouvre par en haut. Il ne faut pas que ça s'ouvre par en bas, par l'ego. Parce que ça peut être très dangereux. Il avait raison. Il faut que ça s'ouvre par en haut. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Effectivement, il n'y a rien à faire. On a affaire, c'est tout. Ben oui, c'est effectivement, vous ne pouvez pas faire plus. Avec les termes, vous allez voir jusqu'à quel point vous êtes conscient. Puis ça, ça va s'ajuster, ça va s'ajuster, ça va s'ajuster. Ça se perfectionne, ça se perfectionne. On est tous médiums, définitif. C'est définitif, quoi. Ben, absolument pas. C'est sûr, effectivement. Mais télépathique, c'est un autre élément. La colère de l'esprit, c'est la volonté de diriger contre les plans. La colère de l'esprit, c'est la volonté de diriger contre les plans tout le temps, de manière absolue. Pour établir une horizontalité entre eux autres et l'homme, pour pas qu'il y ait l'englobement. C'est ça. Ça en soit récupéré. La relation verticale que l'homme a eue avec eux autres pendant des siècles, il faut que ça arrête. Dans le futur, la relation avec eux autres va être horizontale. Mais pour que l'homme vive une relation horizontale avec eux autres, il faut qu'il y ait une conscience des autres bien intégrée dans son stock. C'est intelligent, l'intelligent. Puis on ne sait pas, nous autres, qu'est-ce que c'est l'intelligent. Il faut qu'on le vive. C'est une raison pour laquelle, des fois, il y a des sons longs peu, ou que tout arrive en même temps. Tout à l'heure, tu parlais de l'écureuil qui grille, qui grille sur des fils, après ça, l'autre qui se fait causer en dessous du... Mais ça peut arriver, la même personne, à peu près tout en même temps. Ouais. Quand tout arrive en même temps, là, c'est parce qu'il y a des conjonctures, qu'il y a des cycles. C'est des plans de vie. Des plans de vie. C'est quel point c'est programmé là? Ça a été programmé avant l'incarnation. Un gros pourcentage de votre plan de vie qui a été fait, préparé par vous autres mêmes, ces autres plans, avant l'incarnation, avec l'aide de spécialistes là-dedans. Il y a des aides qui sont des spécialistes qui aident les âmes à se former un plan de vie comme du monde. Ces êtres-là, ce sont des âmes qui ne se sont jamais incarnées.